plus grand que le ciel. Quelle est sa couleur? Vient-il du soleil? Lorsque ce que j'aime parfois en de la peine, comment faire du moins pour que vite ils retrouvent leur joie? Je voudrais le voir. Alors, s'il te plaît, dessine-moi son visage ce soir.